Oh, pue là! Alors, Val, alors! Tu viens quoi? Ça va. Oh, truc de fou que j'ai vu tout à l'heure. Oh, à Paris, il y a les gens qui dorment dans des gymnases, les tankocha et tout. Tu sais, de quoi tu me parles, gros? Non, sérieux, des Noirs, des Sénégalais, des Maliens, des gens comme toi, comme moi. Dans des tanks, dans des gymnases. Dans des gymnases. Tu imagines? On se moque de Paris. On se moque de Paris. C'est bon, c'est ton truc. Les Américains sont venus à la Julienne. Oh, mais attends, mais où la Julienne? Bah écoute, rue de la République, ils veulent faire comme c'est impérial. Plein de vitrines normales, chic, je sais pas quoi. Et les gens, ouais, mais les gens qui habitaient la normale, ils leur ont dit quoi? Cassez-vous de là. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Deux secondes, non les gars. À chaque fois, je vous entends parler. Pourquoi vous faites du rap, c'est ça? Vous êtes plein de ils, ils nous ont fait ci, ils nous ont pris ça. C'est qui ils? De qui vous parlez? De qui de qui vous parlez? De l'État, de si, du président, des racistes? On ne sait même pas ce que vous dites. Soyez clairs dans vos textes. Hein les gars, soyez clairs. Vous nous représentez, essayez d'être plus direct. Hein, parlez de nos valeurs, parlez de notre éducation, la communauté. Les gars, vous le voyez, regardez-vous. Vous êtes tous différents les gars, oh. Et vous où on est aujourd'hui? On grandit ensemble, on s'entend bien, c'est la bombe, oh. Dites-leur ça, oh, c'est une richesse, les gars, oh. Et s'ils n'arrivent pas à le comprendre, eh ben, qu'ils viennent pas chez nous. On est bien entre nous, qu'ils viennent pas chez nous.